provençal, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pins, chantez toujours. Barques aux douces couleurs, collines rousses de fleurs, au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. Cher petit village au bord de la mer, je te laisse en gage tout ce qui m'est cher, l'éternel été d'un ciel enchanté où j'ai cru vivre un jour tous mes rêves. Pays que j'aimais, je dois désormais loin de toi m'en aller à jamais. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigales et cigales, dans les grands pins, chantez toujours. Barques aux douces couleurs, collines rousses de fleurs, au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. La fillette brune qui m'avait souvent au clair de la lune fait de beaux serments, dans sa jolie main a brisé soudain mes espoirs et toute ma tendresse. C'est pourquoi je veux oublier ses yeux et quitter, cher pays, ton ciel bleu. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pins, chantez toujours.